je me revois enfant, écolier rieur et frais, jouant, courant, criant avec mes frères, dans la grande allée verte de ce jardin sauvage, où ont coulé mes premières années. Ancien enclos de religieuse, que domine de sa tête de plomb le sombre dôme du Val-de-Grâce. Et puis, 4 ans plus tard, m'y voilà encore, toujours enfant, mais déjà rêveur et passionné. Il y a une jeune fille dans le solitaire jardin. La petite espagnole, avec ses grands yeux et ses grands cheveux, sa peau brune et dorée, ses lèvres rouges et ses joues roses, l'andalouse de 14 ans, Pepa. Nos mères nous ont dit d'aller courir ensemble. Nous sommes venus nous promener. On nous a dit de jouer, et nous causons, enfants du même âge, non du même sexe. Pourtant, il n'y a encore qu'un an, nous courions, nous luttions ensemble. Je disputais à Pepita la plus belle pomme du pommier. Je la frappais pour un nid d'oiseau. Elle pleurait. Je disais, c'est bien fait. Et nous allions tous deux nous plaindre ensemble à nos mères qui nous donnaient tort, tout haut, et raison, tout bas. Maintenant, elle s'appuie sur mon bras, et je suis tout fier et tout ému. Nous marchons lentement. Nous parlons bas. Elle laisse tomber son mouchoir. Je le lui ramasse. Nos mains tremblent en se touchant. Elle me parle des petits oiseaux, de l'étoile qu'on voit là-bas, du couchant vermeil derrière les arbres, ou bien de ses amis de pension, de sa robe et de ses rubans. Nous disons des choses innocentes et nous rougissons tous deux. La petite fille est devenue jeune fille. Ce soir-là, c'était un soir d'été. Nous étions sous les marronniers au fond du jardin. Après un de ces longs silences qui remplissaient nos promenades, elle quitta tout à coup mon bras et me dit « Courons !»